On vient d'un coin loin, loin, loin, de là où tout est trop paisible. J'ai rendez-vous avec Estos dimanche, métro Belleville. Ma vie a comme changé ce jour. J'aurais jamais cru que le temps devrait faire sécher mes jours. On a la rage, rien à foutre, l'état nous baise. Maintenant on roule avec le crew qui prend du poids comme un gars obèse. Rêve de gosse, de côtoyer Antilope, Cyanure, Fréco, FK et Axis, ils réalisent. L'album est lourd mais ne verra jamais le jour. Comme un fossile sur le parcours. Les études ou la zone, t'écartes des heures de stud. On voulait percer au micro, pas en tant que dealer de stup. Le temps passe, à ta souvenir jamais s'efface. On se croyait intouchable, mais le système avait ses failles. Tu sais, quand on meurt, l'âme s'envole avec un sampleur. Ce soir c'est Freddy K que les anges pleurent. Y'a pas qu'au printemps que les chrysanthèmes fleurissent. Les peines se multiplient, j'écris quand elles surgissent. Souvent dans l'urgence, demande à mes nuits blanches. Jamais trop tard pour prier, même dans l'ambulance. Avec Ultime, c'est comme un jour sans fin. ATK au soutien, le même groupe sanguin. Ne vends pas la peau de l'ours, ne laisse pas des loups en chien. Tu vois la proie des lourds, bah ouais on déboule enfin. Triste à dire, un absent nous rassemble. Pas le temps pour l'attente, y'a un big sur la tempe. Pas le temps pour la chance, la lutte est intense. Se battre est un luxe, te laisse sort et diamant. Ta bagnole allemande, j'te la donne également. Car la vie n'a pas de prix, seule la mort est garant. Souvent j'y pense, le regard dans le cadran. Me demandant où on serait sans ce talent. J'ai toujours de la peine quand c'est un frère qui décède. Dédicace à Freddy K, faites péter les décibels. J'sais pas où on serait sans Antilope, Test et Axis. Cyanure et Fréco dingue, depuis on est resté amis. Hommage à l'artiste de la part de ces types. Respect à sa famille, c'est tout le rap français qui pleure. Représente ATK Ultimatum TPS. Prestige c'était la clique, on n'a pas ramassé de pépette. C'était le kiff, on s'en battait les couilles parce qu'on se tapait des yeux. J'me rappelle Porte des Lilas comme si c'était l'année dernière. C'était cool le week-end, tout sert des VA Belleville, ça me reste en travers de la gorge. Désolé, j'ose à peine rire. J'ai les nerfs quand j'y pense, encore un soldat qui nous quitte. Si c'est ça, être célèbre, alors j'aimerais bien qu'on m'oublie. Une prière pour un frère, ça prendra juste une minute. Dans la vie, faut faire ses choix, peu importe où tu te situes. Une dawa pour Freddy K, une pensée à sa famille, à ses amis véritables, à son pays, la Côte d'Ivoire. Dites-leur qu'ils ont perdu un bout de territoire. Méfie-toi de ta culpabilité. Ton frère est mort sans faire la paix. On est blessé à l'unanimité. On m'invite, je viens gêner mes fiers. Parler de ta mort m'aide à parler à mes frères. ATK, le club des 7, dit que ça excelle. Ultimatum, c'est l'équipe qui a tapé les tep. Tapé des yep, parler des jazz, battre des vierges. On voulait maqueter sec et cramer les scènes. Y'a que la mort pour nous rappeler au plus nécessaire. Principe et respect, on fait nos vies, chacun de son côté. Qu'on se réunisse dans la naissance comme pour le décès.